l'intelligence corporelle kinesthésique. L'intelligence kinesthésique est la capacité d'utiliser son corps pour exprimer une idée ou un sentiment ou réaliser une activité physique donnée. Elle est particulièrement utilisée par les professions de danseurs, d'athlètes, de chirurgiens et d'artisans. Il existe donc un potentiel intellectuel qui permet par exemple aux joueurs de basketball de calculer la hauteur, la force et l'effet du lancer au panier. Le cerveau anticipe le point d'arrivée du ballon et met en branle une série de mouvements pour résoudre le problème. Les possibilités de création et d'expression de ces émotions par le corps montrent la présence d'un potentiel intellectuel à ce niveau.